En Corée, viennent de paraître de nouveaux timbres, 5 vignettes présentant le muséum. Les pavillons du cosmos, le pavillon des animaux et plantes fossilisées, le pavillon des animaux et le pavillon des plantes de l'intérieur et de l'extérieur. 4 nouveaux timbres individuels ont été également mis au monde, présentant la fleur nationale magnolia, l'oiseau national faucon coréen, le chien coréen Pungsan et l'arbre national Pin.